D'accord. Alors donc, des apiculteurs en appellent au pouvoir public pour trouver des solutions afin d'arrayer cette hécatombe, parce qu'on parle d'hécatombe. Ils réclament entre autres un plan de soutien. Et puis d'ailleurs, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'inviter, hein, Monsieur Piquet, c'est un nom prédestiné pour celui qui s'occupe de l'insecte pollinisateur. Ça, ça va pas. C'est un puits de science. Hein. Il est donc au niveau départemental régional. Hein, je crois que c'est un des spécialistes véritablement de l'apiculture. Hein, il est dans un organisme public, je ne sais plus si c'est l'INRA ou un autre organisme. Hein. Et vraiment, il était passionnant et il démontrait justement tous ces problèmes que rencontrent les apiculteurs aujourd'hui. Mmh. Alors que non seulement il y a le problème du miel, mais il y a aussi le problème que ces insectes sont des insectes. Oui. Pollinisateurs. Oui, c'est-à-dire oui. que s'ils disparaissent, il n'y a plus de pollinisation. Oui. Ça veut dire qu'il va falloir faire comme en Californie, prendre des avions pour ensemencer les amandiers. On parlait tout à l'heure de la Chine. Moi, j'ai vu à la télé des Chinoises grimper sur des escabeaux et qui pollinisaient les arbres fruitiers à la main. Oui, parce qu'il n'y a pas assez d'abeilles dans les pesticides. Dans certaines régions. Les abeilles sont disparues complètement. Ah, oui. Ouais. C'est grave, hein. Ah, ouais. Mais de toute façon, c'est surtout pour soutenir nos apiculteurs aussi qui vendent du bon miel. Parce qu'en Chine, à la limite, moi je m'en fiche de manger du miel chinois s'il est bon. Mais c'est pour... ça serait quand même mieux que... Alors, c'est nos forêts, parce que les abeilles, si elles ne sont plus là, ben, il n'y aura plus de fruits. On m'a dit, il n'y aura plus de pommes, de prunes, de cerises. Parce que les fleurs... Le fruit, avant d'être fruit, les fleurs... Et avant de, si des enfants nous écoutent, il y a le fruit, mais le fruit, avant d'être fruit, il est fleur. Et c'est la belle. Il y en a un qui dirait de manière humoristique, c'est comme pour les bébés. Bah, voilà, c'est un peu pareil. Comme pour les bébés, il y a aussi des fleurs. L'abeille, elle butine. Que l'on pollinise. On dit, elle butine la fleur et la fleur va s'épanouir en fruit. Donc voilà. S'il n'y a pas d'abeille, les fleurs ne seront pas butinées, donc il n'y aura pas de formation de fruits. Et le problème, c'est que il y a des plantes, des arbres qui sont mâles et femelles. Donc il faut les rapprocher. Oui. Et c'est oui. les insectes pollinisateurs qui vont les rapprocher l'un l'autre, hein, puisqu'il n'y a d'accord. pas de contact direct. C'est pas comme les humains. Voilà. Oui. les apiculteurs réclament un plan de soutien. Des dizaines d'apiculteurs bretons partis du Morbihan sont donnés rendez-vous le 7 juin à Paris devant l'hôtel des Invalides pour attirer l'attention des autorités et dénoncer l'explosion de la mortalité des abeilles cette année. Le même jour, d'autres rassemblements se déroulaient en région. Une situation alarmante provoquée principalement par l'emploi de pesticides et la présence du frelon asiatique sur notre territoire. Alors c'est quoi un frelon asiatique ? Ah, c'est un gros frelon. Hein, que dire, moi j'en ai vu un chez moi. Il commence à arriver partout, les frelons asiatiques. Ouais. C'est, à mon avis, c'était un frelon asiatique. C'est déjà la bonne dimension. Hein. C'est une bonne dimension, mais il n'est pas tellement différencié des autres. Bien sûr, on est à la radio, on ne peut pas présenter la photo du frelon asiatique. Oui. Mais, ça ressemble à une abeille un peu. Plus que le frelon classique. C'est beaucoup plus proche de la guêpe que de l'abeille. Hein. Plus proche de la guêpe. Ah ben, c'est la même couleur, hein, c'est la même, à peu près les mêmes rayures. Que... les frelons, c'est des grosses guêpes. Oui, hein, c'est la même famille. Ouais. Est-ce qu'il pique, ce frelon, nous ? Est-ce qu'on peut Bien sûr, les frelons, ça pique. Hein. Et puis, on disait quelquefois que 3 piqures de frelons pouvaient donner la mort sur un enfant personne. Ou une personne fragile. Oh là là, oui. Hein, parce que ça fait beaucoup de venin. Quoi. Même les personnes allergiques, elles peuvent décéder de piqûres d'abeilles. Ah bah, l'allergie, c'est autre chose. Oui. On peut très bien décéder d'une seule piqûre si on est allergique, effectivement. Ouais, ouais. Hein, s'il y a pas tout dépend de l'endroit où on est piqué. Par exemple, si on est piqué dans la gorge parce qu'on est en train de boire de la bière et qu'il y a une abeille qui est tombée dans la mousse, eh bien, si on est piqué dans la gorge, on peut très bien étouffer. Hein. Ah oui, ça a failli arriver à une personne de ma famille. Il faut intuber la personne. L'hôpital n'avait pas été suffisamment proche, l'issue fatale était inévitable, quasiment. Ouais, ou bien alors, il faut pratiquer une trachéotomie de fortune. Oui, mais il faut savoir faire. Hein. Il faut avoir le courage. Il paraît que tout le monde peut le faire, mais bon, ouais. Je ne me verrais pas tellement le faire. Moi, avec un couteau, avec une pointe de couteau, ouvrir. Je pense ouvrir un stylo bic, parce que ça permet de perforer et de faire entrer l'air en même temps. Voilà. Bon, mais oui. Je pense qu'avec ce genre de bêtes, les frelons, c'est plus inquiétant parce que c'est gros, c'est impressionnant. Mais que ce soit les abeilles, les guêpes ou les bourdons, il ne faut pas être agressif. Faut pas faire des grands mouvements pour les chasser ou quoi, ça va les énerver. Faut rester calme, faut rester sur place et les regarder, voir s'ils viennent vers nous. Il faut bien distinguer un petit peu ce qui peut être. C'est un petit peu comme les chiens par exemple. Hein, oui, quand ils sont dehors de leur gîte, en quelque sorte, de leur nid, ils ne gardent pas leur nid. Bon, finalement, c'est rare qu'une guêpe, par exemple, va te piquer en dehors de si t'as pas de réflexe agressif vis-à-vis d'elle. Ouais, ouais. Hein, par contre, si tu marches sur un nid de guêpe, bon, voilà. C'est facile dans l'herbe de marcher sur un nid. On peut ne pas s'en apercevoir du tout. Hein. Fois, oh là là. En tant que fils de cultivateur, faucher. En train de faucher à la faux, il n'y a rien de tel. Un seul coup de faux dans le nid et il faut sauver. Simplement marcher sur un nid. Je savais même pas que les guêpes elles faisaient des nids par terre. Je croyais qu'elles s'accrochaient aux maisons. Partout. Partout. Même partout. C'est pas tout à fait les mêmes variétés de guêpes qui font leur nid à l'intérieur du sol, que celles qui en font dans les greniers, par exemple. Hein. Voilà, donc, c'est pas la même variété. C'est pas tout à fait la même variété. D'accord. Souvent, je crois que les guêpes, d'après ce que j'ai pu voir, les guêpes qu'on trouve dans le sol, qui font leur nid dans le sol, elles sont un peu plus petites. Ah oui. Et plus agressives, entre parenthèses. Ah oui. C'est-à-dire que c'est pareil, hein, une question d'agressivité, mais le gros problème, si on a un nid de guêpe dans son grenier, c'est sûr que si on va les déranger ou on passe à côté, on va avoir droit aussi à être piqué, hein, c'est clair, c'est net. Hein. Et on ne peut pas garder un nid de guêpe, c'est trop dangereux de garder un nid de guêpe dans son grenier. Si on le conserve l'hiver, qu'est-ce qu'elles deviennent les guêpes? Elles meurent ou non? Oui, elles meurent, bien sûr. Meurent. Hein. La durée de vie d'un insecte est quand même limitée. C'est forcément limité, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, on disait, une situation alarmante provoquée principalement par la présence du frelon asiatique sur notre territoire. Les pertes s'élèvent à 90% dans certains cheptels. On parle de cheptel, du jamais vu. Si les pertes du cheptel sont naturelles, elles ne dépassaient pas jusqu'à présent les 7% par an. On est passé de 7% à 90%. C'est fantastique. En Bretagne, 20 000 ruches ont disparu. Certains apiculteurs vantaient dans l'obligation de mettre la clé sous la porte. Alors que faire? Le 27 avril, l'Union européenne a pris la décision d'interdire l'utilisation des trois néonicotinoïdes. Néonicotinoïdes, ça doit être exprès pour que... Ça doit être exprès pour qu'on en parle le moins possible, que c'est difficilement prononçable. C'est un truc. Non, parce que ça contient de la nicotine, c'est un poison. Bien sûr. Tu sais que le tabac, c'est un poison pour l'organisme, pour notre organisme. Alors, pour les abeilles, c'est encore bien pire. Les abeilles aussi, il faut que j'arrête de fumer, les pauvres bêtes, les enfants. Non, c'est pas à cause de ça. Non, c'est toi que tu en fumes. À cause d'insecticides qui contient effectivement de la nicotine. Qui est un produit excès du tabac. Personnellement, je pollue pas parce que je comprends. Alors, c'est sur les cultures en plein champ, bien entendu, particulièrement dangereux pour les abeilles, puisqu'ils s'attaquent au système nerveux des insectes. Oh là là. Il s'agit donc de l'imidactolpride, la clothianidine et la thiamethoxame. C'est des mots scientifiques un peu durs à prononcer. Et je ne me suis pas entraîné d'avance. La prochaine fois, j'essaierai de m'entraîner pour mieux les prononcer. Ouais. Enfin, c'est trois insecticides qui font partie des néonicotinoïdes. Et donc, ces trois substances chimiques sont particulièrement Ben, c'est fabriqué par les géants d'agrochimie, bien sûr, Bayer et Syngenta. Une première victoire, mais la mobilisation n'est pas terminée. La première victoire, c'est effectivement que c'est interdit en Europe maintenant. C'était long, hein. C'était long. Ça fait des années que les agriculteurs, que les unions de consommateurs disent qu'il faut arrêter absolument ces produits. Mais bon, il y a le lobby des chimistes, hein, de l'agrochimie qui est derrière pour vendre leur saloperie, quoi. Donc, en France, interdiction de tous les néonicotinoïdes a été inscrite dans la loi biodiversité et devrait entrer en vigueur en septembre 2018, c'est-à-dire maintenant. Hein. Mais des dérogations seront possibles sur certains usages jusqu'au 1er juillet 2020. C'est une interdiction, si on veut, mais elle n'est pas absolue. On a vu que notre gouvernement n'était pas... Cette vacherie, quoi. Ça tue certains insectes qui sont nuisibles pour les cultures, mais ça tue les abeilles en quantité. Quoi. Ben, ça tue aussi les insectes qui sont utiles, peut même avoir une incidence plus ou moins directe sur la santé humaine. La plupart des insectes ne sont jamais complètement nuisibles. Ils peuvent avoir le yin et le yang. Hein. Non, puis une substance qui est nuisible pour une espèce vivante a toutes les chances d'être nuisible pour d'autres espèces vivantes, y compris l'espèce humaine. Bien sûr, parce que bien sûr, l'organisme humain est capable d'absorber des doses assez impressionnantes, mais quid des effets, ce qu'on appelle des effets cocktails sur l'organisme humain, hein, c'est-à-dire à force d'avoir des produits chimiques, l'effet croisé de ces produits chimiques dépasse la synergie de ces produits chimiques, finit par dépasser bien sûr les doses admissibles par produit. Hein, c'est-à-dire qu'on additionne certains produits, il y a des effets croisés, etc. Ce qu'on appelle l'effet cocktail. Malheureusement, les études jusqu'à présent sont sur les effets cocktails sont assez restreintes. Hein, et puis bien sûr ne sont jamais menés par les fabricants de produits phytosanitaires, puisque de toute façon eux, ce qui les intéresse, c'est de vendre leurs produits. Donc ils peuvent imposer un peu leurs propres normes, et puis surtout bien sûr ils n'en ont rien à faire des effets cocktails de plusieurs produits chimiques, même si c'est eux qui les ont fabriqués. Tu connais André Cicolella? André Cicolella de l'INRS, membre de la CFDT, militant, etc. Et il a fait une conférence une fois à Golbey et il était venu parler des produits toxiques, des produits chimiques toxiques. Puis il a dit, il y en a tellement qu'on ne peut pas aborder tous les produits. Alors il dit, j'en ai choisi trois produits perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens, ils sont, mais c'est effrayant, parce qu'ils ont ils font de l'effet sur la personne qui les absorbe, mais en plus, ils ont de l'effet, et c'est ce qui est plus effrayant, sur la descendance de cette personne-là. Bien sûr. C'est ça qui est grave. Et là, il avait choisi seulement trois produits, mais il disait que les chimistes de l'INRS, les chercheurs de l'INRS, reçoivent à peu près 400 nouveaux produits tous les ans, et ils n'ont ni les locaux, ni le personnel, ni le matériel pour étudier ces 400 produits. Alors, on est obligé d'en choisir au hasard, et on tombe dedans ou on tombe à côté, on fait une étude assez longue ou pas assez longue pour pouvoir tirer une conclusion. Justement, parce que tu parles d'André Cicolella, j'ai connu André Cicolella non seulement comme ami, mais aussi comme mentor, en quelque sorte, puisque on faisait partie d'un groupe au niveau de la CFDT Lorraine, dans la relation santé-travail. Il était effectivement chercheur à l'INRS, mais il n'y est pas resté très longtemps, puisqu'il a entrepris des études sur les éthers de glycol. Alors les éthers de glycol, on en trouve partout, on en trouvait partout, un peu moins maintenant, parce qu'il y a certains qui sont interdits. On en trouvait aussi bien dans les shampoings, dans les lave-glaces, dans les dissous-cols, dans des tas de produits. Donc c'était des perturbateurs endocriniens avant la lettre, on ne l'appelait pas ça à l'époque. Par exemple, à l'époque, certains salariés de Plastigio, on faisait une synthèse un petit peu de ce qui se passait dans les CHSCT, les comités de hygiène, sécurité et conditions de travail. Et donc, il y avait des personnes, par exemple, qui utilisaient des éthers de glycol. pour c'était le cas par exemple à Plastigeau à l'époque. Ouais. Hein, et donc ils disaient, mais alors les personnes, les salariés en quelconque, ils disaient, mais on n'a pas, c'est inoffensif ça, on se lave même les mains avec. À votre place, j'ai fait des études avec les chercheurs américains, et à votre place, je ne me laverai pas les mains avec ça, parce que c'est un produit qui pénètre la cellule et qui provoque des mutations de cellules. Alors après, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Une fois que les mutations de cellules sont en route, ça peut engendrer un cancer, etc. Et c'est cette étude, justement, qui a le lobby des agrochimiques qui fabriquait les éthers de glycol, à Séville, a fait pression sur l'INRS, et André Cicolella a été viré comme un malpropre de l'INRS. Il a demandé à faire une... On lui a reproché d'avoir pris l'initiative de comparer ses études avec celles des chercheurs américains par rapport aux éthers de glycol. C'est dangereux. Il a entrepris à un congrès international de faire une communication sur les esters de glycol, et comme on lui avait dit, il n'est pas question de parler de ça, il a dit, bon, ben d'accord, je vais parler de tel sujet. Et puis quand il est arrivé devant le micro, il a parlé un petit peu du sujet qu'il avait présenté, et puis rapidement, il a bifurqué sur les esters du glycol. Alors au bout d'une minute et demie, on lui a coupé le micro, puis on lui a dit, monsieur Cicolella, vous ne faites plus partie de l'INRS. Il a mis un an avant d'être réintégré. Il n'a jamais été réintégré. Hein. Si, il a été réintégré au bout d'un an. Il était réintégré, mais il est parti, puis l'affaire a été jugée plusieurs années après dans le conseil de prud'homme. On l'a complètement écœuré, c'est sûr. Mais le problème, si on veut, ça veut dire que l'INRS, c'est l'Institut National de Recherche pour la Sécurité. C'est un organisme de sécurité sociale. C'est parti de la sécurité sociale. Alors quand on pense quand même que même un organisme qui est là pour préserver la santé des gens, qui fait partie de la sécurité sociale, on arrive à avoir des lobbies qui arrivent à sévir à l'intérieur de ces organismes-là pour faire taire ceux qui dérangent, qui commencent à prouver que les produits, etc. On a vu sur certains produits, en particulier sur les OGM, comment Monsanto achetait littéralement des gouvernants en Grande-Bretagne, par exemple. Ouais. On peut multiplier. Enfin, on va revenir peut-être à nos abeilles, si on est toujours dans l'actualité. Toujours. Alors, le frelon asiatique, c'est un dévoreur d'abeilles, c'est ça le problème. C'est pas le frelon en lui-même. Le Vespa velutina, que l'on appelle dans nos contrées le frelon asiatique. Introduit en France en 2005 en provenance d'Asie, ce redoutable dévoreur d'abeilles fait aussi des ravages. Il s'attaque aux abeilles pour leur voler leur pollen et nourrir ainsi ses larves. Comme quoi, être mangé ou être mangé, c'est la nature. Il s'attaque aux abeilles pour leur voler donc leur pollen et nourrir ainsi ses larves. Plusieurs expériences pour les éradiquer ont été tentées, parmi lesquelles le piégeage des rennes au printemps. Cette méthode pratiquée par certains apiculteurs est controversée. Le ministère de l'Agriculture ne l'a pas validée. Une étude est menée par l'Institut de l'Abeille depuis plus de 2 ans sur 3 départements, le Morbihan, la Vendée et Pyrénées-Atlantiques, pour collecter des informations afin de savoir si le piégeage influe sur le nombre de nids prédateurs ou pas. Je pense que ça peut être très efficace comme technique. Plutôt que de déverser des insecticides. Et je ne vois pas pourquoi c'est controversé quand même. En attendant les mesures de l'État, le Conseil régional de Bretagne s'est engagé à verser des aides d'urgence à filière apicole. L'enjeu est d'importance, les abeilles doivent rester de véritables sentinelles de la biodiversité. Exactement, entre autres. C'est bouclé, hein. Michel, j'ai une question. C'est quoi le piégeage des rennes exactement? C'est sûrement un truc à base de phéromones. On détruit les rennes au printemps. Certainement qu'on émet des phéromones qui attirent les rennes, parce que elles sont piégées et détruites. C'est elles qui pondent les rennes, comme les abeilles. Oui, c'est les rennes qui pondent. Si elles sont détruites, si elles sont piégées... Il n'y a pas de descendance par rapport à différentes méthodes. Est-ce que ce serait le frelon asiatique qui mangerait les larves de la reine? Non, les rennes des frelons. Non, ils préconisent, en Bretagne par exemple, ils préconisent le piégeage des rennes du frelon asiatique. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire... C'est lui qu'il faut détruire par les abeilles. Oui. Il y a forcément plus de frelons à la longue. Voilà. Voilà donc pour les pesticides prolongatiques, et je crois qu'on n'en parle pas assez de ce problème-là. C'est un problème qui est extrêmement grave. Ouais. En Californie, par exemple, ils ont tellement abusé des pesticides et tout ça que, qu'ils sont obligés, de, par secteur, de féconder les amandiers par avion, hein, par truc comme ça. Puis, puis tu citais le cas, effectivement, du fait qu'en Chine ou ailleurs, on finit par être obligé de polliniser à la main. Par la main humaine des filles la plupart du temps, parce qu'elles ont peut-être plus de dextérité, plus de patience. Comme tu disais, Michel, l'abeille, c'est la sûreté de la biodiversité. Ah ben c'est la vie, hein. Einstein a dit quand les abeilles disparaîtront, l'homme disparaîtra aussi. Oui, oui, c'est Einstein qui a dit ça. Ouais. Einstein. Oui. Mais c'est vrai que tu dis l'abeille est sentinelle de la biodiversité. Oui. Mais même aux États-Unis, ils sont foutus parce qu'ils ont beau arroser par avion les amandiers. Il n'y a pas que les amandiers dans la vie. La vie végétale. En particulier les amandiers, c'est pas. Il n'y a pas que ça comme culture. Oui, d'accord, mais la biodiversité, c'est justement toute cette richesse de végétaux, d'arbres, de fleurs, de fruits. Et il n'y a pas que les amandiers. Alors, ils me font rigoler avec leurs amandiers, même s'ils pollinisent 3-4 fruits bien sûr. Mais les abeilles, elles sont sentinelles, comme tu dis, de la biodiversité, c'est-à-dire de tous les végétaux. C'est vraiment le carrefour, en quelque sorte. C'est le contrôle d'un carrefour de biodiversité par les abeilles, parce que quand les abeilles meurent, la biodiversité, elle meurt aussi. C'est terrible, Alors on va peut-être changer de sujet parce que. Mais ce qui est bien, enfin, c'est que quand même l'Europe a réagi en faisant passer cette loi. Les unions de consommateurs en particulier, l'Union fédérale des consommateurs, que choisir ? Il y a des années, ça fait 15 ans qu'ils réclament la suppression de. Enfin, ça y est, on y est. Parce que les consommateurs ne peuvent pas rester insensibles vis-à-vis de ça. Parce que c'est véritablement l'humain qui est derrière tout ça. Oui, oui. Mais les générations qui nous ont précédés ont fait des bêtises, d'énormes bêtises parfois. Par exemple, la guerre de 14, c'est un crime majuscule. Mais actuellement, nous, on a beaucoup moins d'excuses que ceux qui nous ont précédés parce qu'on a des connaissances que les anciens n'avaient pas. S'agissant par exemple des pesticides, il y a le rideau de fumée qui est fait par des lobbies, quoi. Ouais. Il y a des lobbies qui agissent à Bruxelles ou ailleurs. Et puis quand on sait que aux États-Unis, par exemple, il y a pas d'interdiction. On peut d'un pays à l'autre, on mondialise l'économie. C'est bien gentil. Ouais. Il peut y avoir des effets bénéfiques, mais aussi énormément d'effets maléfiques, parce que pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui tu vas par exemple, il y avait le cas de l'astrazine que j'ai un peu dénoncé dans une de mes chroniques, d'après un dossier qui était sur la 5. L'astrazine est interdite en Europe. Et on la fabrique en France. La fabrique en France pourrait être importée vers les États-Unis ou d'autres pays. C'est quand même formidable que de voir ça. On voit quand même que les grands trusts agrochimiques, là, ils font ce qu'ils veulent à travers le monde. Forcément, Monsanto, il a bien plus de capacité financière que n'importe quel qu'une dizaine d'États africains pratiquement. Ils sont en mesure de créer et de détruire des emplois partout sur la planète, et ils sont en mesure aussi d'acheter, je dirais, des députés européens, des députés américains ou français ou ce qu'on voudra, en mettant un peu le prix. Ils arrivent toujours à trouver quelqu'un qui va porter leur parole le moment venu quand il s'agit de voter une loi. On est vraiment dans l'agro-business, on le voit, et puis on voit en France des responsables à FNSEA, par exemple, qui sont plus des agriculteurs, qui sont des agro-businessmen. Ouais, des chimistes. Ils sont dans des filières. Des chimistes. Ils sont plus du tout dans la FNSEA. Alors, tu vas avoir des branches de la FNSEA, comme les jeunes agriculteurs, qui vont encore être militants pour une agriculture, qu'on pas forcément... Il y a même certains qui sont pour une agriculture bio. Mais à côté de ça, la direction de ce syndicat agricole, qui est vraiment un lobby, en France et même en Europe, ben c'est quand même de l'agro-business. C'est plus du tout, c'est plus du tout de l'agriculture, l'agriculture conventionnelle. On en est là. Bon, on va faire quelques petites nouvelles brèves. Alors, c'est un constat. Le mode de production actuel ne nourrit pas la planète. Le mode de production actuel ne nourrit pas la planète. Ouais, alors qu'on a largement les moyens de nourrir la planète. Oui, dans ce documentaire, alors c'est un documentaire qu'ils ont pas. On a 20 ans pour changer le monde, hein, que ça s'intitule. Dans ce documentaire réalisé par Hélène Madding, des hommes et des femmes démontrent que l'on peut se passer des pesticides et des intrants. Des intrants chimiques, bien entendu. Pour toute notre alimentation, leur énergie communicative à ces personnes-là, hein, qui ont fait ce court-métrage de 20 ans pour changer le monde, leur énergie communicative bouscule les discours et les habitudes. Ils nous prouvent qu'un autre monde est possible. C'est sorti en salle en avril, ça a commencé en avril 2018. Je ne sais pas si c'est passé par ici. Hein. C'est ouais, un peu, je sais pas trop. À part peut-être dans des ciné-clubs, des trucs comme ça, les trucs militants. Ça s'appelle « On a 20 ans pour changer le monde ». Il me semble que c'est passé... On passe beaucoup dans les médias des âneries, d'énormes âneries et en grande quantité, alors qu'il y a des produits de très grande qualité qui sont, que ce soit dans le cinéma, dans la chanson, dans tout ce qu'on voudra, il y a des gens de grands talents et de pleine bonne volonté et très intelligents. C'est prouvé aujourd'hui que la permaculture peut nourrir le monde, et la permaculture... Ah bah oui, il y aura... C'est une culture biologique qui permet effectivement d'éviter l'agrochimie. Qui n'épuise pas les sols et qui ne pollue pas. Je pense peut-être le film, il est passé à Vanier, au cinéma de Vanier. Oui, il me semble, oui. Mais pas qu'à Vanier, il a dû passer aussi à Gérardmer, il a dû passer à plusieurs endroits. Mm-hmm. C'est-à-dire dans des cinémas, dans des ciné-clubs, des associations du cinéma militant. Quoi. J'ai vu un fanzine qui s'appelle Le Monde en Paix, ou La Paix dans le Monde, je ne sais plus. C'est un fanzine qui vient de sortir. Apparemment, je me suis procuré à Épinal. Ça rejoint un petit peu parce que effectivement aujourd'hui, c'est plutôt le pétrole hein, qui provoque les conflits. Il ne faut pas se voir la face. Hein. Si Trump aujourd'hui il veut faire de la comment qu'on pourrait dire des tensions au Moyen-Orient, c'est bien pour pouvoir distiller à travers le monde aux États-Unis sur gaz de schiste, etc., faire monter le prix du pétrole, etc. Hein, c'est clair, c'est net. Hein, toute l'économie est basée sur le pétrole. Encore aujourd'hui, une grande partie de l'économie est basée sur le pétrole. Donc quand on fait monter la tension, quand on provoque des guerres, c'est aussi pour faire monter le prix du baril. C'est mais clair, dans c'est la net. Biodiversité, l'énergie, ce que Nicolas Hulot a quitté, l'écologie. L'écologie, il y a quand même des progrès. Je veux dire, on désamiante, trie, il y a des... Ah bah justement, on va parler du tri, tiens. Il y a eu des progrès de fait, mais à côté de ça, c'est un petit peu une lutte continuelle entre le bien et le mal, j'allais dire. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va interdire, enfin, on n'a encore pas réussi à interdire, malheureusement... Hein, mais même Nicolas Hulot n'a pas réussi. Puis de toute façon, est-ce qu'il en avait la volonté, ça j'en doute, hein, de le Roundup, hein, oui, c'est-à-dire le glyphosate. Le glyphosate, pour donner le nom chimique. Hein, le glyphosate, il n'est pas interdit toujours. On continue à le faire. On sait très bien que c'est un produit qui est dangereux, hein, à terme. On les trouve dans les... Oh, bon, partout, c'est le Roundup. C'est le fameux Roundup. Il y a même des jardiniers du dimanche qui l'utilisent. Hein, ah ben oui, jardin, mais bien sûr. Mais c'est... Même dans, par exemple, les peintures là, de notre studio. Non, pas ça. Là, on est bien dans un produit phytosanitaire uniquement. C'est complètement. Alors, parlons justement de la prévention des déchets. Alors, il y a quand même un stop aux publicités. Chaque foyer reçoit par an environ 30 kilos d'imprimés indésirables. Leur production est énergivore en bois et en papier recyclé. Bon, enfin, je crois que vous non plus, il ne faut pas dramatiser. Hein, quand je vois par exemple des jeunes hein, que j'ai l'habitude de côtoyer, puis qui disent, ben non, nous on met tout, on scanne les documents, on les garde en mémoire. Hein? Ben oui, Oui, ah. ça évite d'utiliser du papier. Mais quand tu utilises du papier, tu n'utilises pas du gros bois. Hein, tu fais une sylviculture des forêts, et puis tu utilises ce qu'on appelle, en termes convenus, la râperie. Oui, la râperie est donc... En quelque sorte, un sous-produit. C'est pas nuisible, ça ne déforeste pas, proprement dit, quoi. Hein, c'est pas nuisible pour les forêts. Par contre, c'est énergivore, ça c'est clair, c'est net, voilà. La production du papier. Il faudrait tout chiffrer. C'est énergivore aussi, les fameux tours de refroidissement pour les ordinateurs. Alors que si on a un magazine de plus en plus de données, là aussi c'est énergivore. C'est clair. Il y a des centres informatiques qui produisent de la chaleur qui permettrait quasiment de chauffer plusieurs immeubles. Il y a des milliers d'ordinateurs qui sont dans un local. C'est très énergivore. Voilà. Mais On en a parlé récemment dans un dossier consommateur. Michel, je peux rajouter une petite note. Moi, j'étais jeune, j'avais déjà plein de publicités dans ma boîte aux lettres. Ça fait ça 25 ans. J'avais déjà mis un stop pub sur ma boîte aux lettres. Et il y avait un respect. Et à un moment, j'acceptais les pubs parce que je regardais certaines choses. Et il y a eu un moment, j'ai dit non, allez, stop, quoi, ça suffit. Je regardais même pas le tiers de ce que j'avais dans la boîte aux lettres. Je suis allée à la mairie et j'ai pris un stop pub. De toute façon, c'est tout facile. De toute façon, que choisir un ami avec sa revue, des stop pubs. Si tu en veux, voilà. Mais bon, je ne l'ai pas mis sur ma boîte aux lettres parce que peut-être à cause de mon ex-profession, à cause aussi du fait que les publicités locales, j'en garde. Je garde à peu près un tiers des publicités pour regarder quand même certains produits qui sont en promo, y compris bio. Ça existe. Hein, mais c'est pas parce qu'ils sont bio non plus qu'ils sont. Il y en a certains qui sont vraiment. Comme les fruits, dans les supermarchés, les fruits bio, ils sont vraiment dégueulasses. J'ose dire la chose parce qu'ils ne sont pas mûrs. Oui, hein, les pêches. Le problème des fruits pas mûrs, il est simple, c'est que la plupart des chaînes de grands magasins exigent que leurs fournisseurs leur livrent des fruits à maturité moins 8. C'est-à-dire un fruit qui serait mûr le 8 du mois, eh bien, on le cueille le premier, de manière à ce qu'il ait le temps de mûrir lentement, étant dans les rayons, dans les transports, etc., etc. Ce qui fait qu'on mange des fruits qui, effectivement, n'ont pas beaucoup de goût, puisqu'ils ne sont pas à maturité. Leur maturité, leur manque de maturité va faire qu'il y a beaucoup moins de vitamines, etc. Au goût, c'est dégueu. C'est pas gênant seulement sur le plan du goût. Dans notre jeunesse, à manger des fruits mûrs, et puis qu'on est face aux fruits de supermarché, Il n'y a pas que les supermarchés. L'autre jour... Les rayons d'épicier de marchands de fruits, en général, même des fruits plus mûrs. L'autre jour, je connais une personne, ma maman, elle revient du marché, elle avait acheté deux pêches, qu'on en ait une chacune. On se disait, on va se régaler en mangeant une pêche bien juteuse, bien sucrée. La pêche, elle n'était pas bonne, quoi. Elle était toute, comme du craquant à l'intérieur. Enfin, même sur les marchés, je trouve qu'on n'a plus des bons fruits. Les règles commerciales qui valent. On a plus de chances de trouver des fruits mûrs et puis sur les marchés que dans les supermarchés. Disons que sur le marché, si on achète sur le marché directement au producteur, là on a des chances d'avoir des fruits qui ont été cueillis soit le matin, soit la veille. Par contre. Dans tous les autres cas de figure, le commerce, c'est le commerce. Et pour ne pas avoir de pertes, ils préfèrent avoir des fruits qui sont pas tout à fait mûrs. Enfin, d'après un sondage, il y aurait 60% des Français qui disent que de toute façon, les fruits en supermarché sont dégueux. C'est un constat. C'est un constat. Bon, si on achète des bananes, parce que les bananes, elles continuent à mûrir, sans trop de problèmes. Si tu achètes des pêches, elles sont pourries avant d'être mûres, quoi. C'est le monde à l'envers. C'est pareil, si on parlait des bananes, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les bananes. La façon dont elles sont traitées et les maladies que ça provoque. Quand on sait qu'une pomme reçoit 22 traitements, 22-24 traitements, c'est fou, quoi. Il faut en ôter un centimètre de... En fait, pour ceux qui ont vu le film « Nos enfants nous accuseront », ça vaut vraiment la peine de s'attarder là-dessus, la façon vraiment dont les fruits sont traités. Hein. Ça, ça alors, dit... D'ailleurs, il y avait un documentaire sur la 5, je crois que c'était dimanche soir ou... Je crois que c'était dimanche soir ou samedi soir. Sur la 5, alors avec les citrons qui venaient d'Espagne. Oh là là. À part les bio, c'était une catastrophe. Ah, les citrons, c'est une horreur. C'est une catastrophe. Non seulement ils sont cueillis verts, ah, oui, hein, oui, oui, mais on les jaunit artificiellement, oui, avec de l'acétylène, etc. Oui, oui. Et puis en plus de ça, ils contiennent des pesticides qui sont même, dont certains sont même interdits dans l'Union européenne. Ah oui, non, mais les citrons... Non, mais c'est incroyable. Hein, et le fruit est complètement, ouais, imprégné. Ouais. Mais quand on va voter, on ne pense pas suffisamment à tout ça. Mmh. Hein, on pense que, bon, ça se fait comme ça, on n'y peut rien. Et si on y peut, parce qu'on peut voter. Les consommateurs, si tout le monde se jetait sur le bio, ça poserait un problème, parce que les cultures en bio ne sont pas suffisantes. Mais on voit quand même que d'année en année, les consommateurs commencent à prendre conscience de la merde qui mange. Oui, quand même. Hein, oui. Parce qu'il faut dire, les choses. Ça aura pris du temps, mais ça finit par arriver quand même. Non, mais moi, je pense que la situation est vraiment grave, parce qu'il y a des gens qui achètent de l'eau pour leur bébé. Il y a des villages où l'eau, elle est devenue malsaine. Et l'eau qu'on donne aux bébés, en fait, ça les rend malades, ça leur donne une maladie. Donc les parents, leur deuxième bébé, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de l'eau. Ah ben, dans certains pays, l'eau n'est pas potable. Hein, il faut la bouillir. Hein. Non, mais en France, c'est quand même incroyable. Je veux dire, acheter de l'eau. L'eau, c'est quand même quelque chose dont on devrait disposer normalement. C'est comme le pain. Écoute, moi, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup voyagé, hein, voyagé par la force des choses, ouais, pas sur un grand périmètre, mais d'une, ouais, commune à l'autre, ou d'une région à l'autre. Mmh. Hein, avec les fonctions que je pouvais avoir. Mmh. Et tu t'aperçois quand même que l'eau n'a jamais le même goût d'un site à l'autre. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'on voit par exemple, bon, je cite le cas, hein, je vais peut-être me faire mal voir, parce que je cite le cas d'Ormiremont, où vraiment en été tu sens vraiment le chlore, vraiment le javel, hein. Ben c'est oui, la le chlore des eaux qui distribue l'eau sur Remiremont, ils javelisent en pagaille, quoi. Hein, l'eau sentait vraiment le javel. J'ai pas envie de boire cette eau-là, quoi. Moi, c'est un luxe. Moi, je sais que mon eau préférée, c'est la Contrex. Je boirai que ça. Mais pour moi, c'est un luxe. J'achète pas d'eau. Je me dis, félicite. L'eau du robinet est saine. Elle est potable, elle est saine. Point de vue hygiénique, oui, normalement, elle est saine. Problème, ouais. Le gros problème, c'est que certaines compagnies, hein, certaines compagnies des eaux, oui, hein, puisqu'on a ouais, privatisé pas mal l'eau, et puis il y a une volonté. Voilà. Il y a une volonté d'un certain... C'est ça le danger, la privatisation. Donné, ouais, de privatiser l'eau, hein, dans leur commune. Et puis, c'est une question... Ah. C'est une question d'alimentation du parti politique en question. Je ne le citerai pas. Donc, ce qu'on est sûr, c'est que c'est vrai que l'eau qui est distribuée par des grands groupes, hein, oui, et c'est une volonté européenne de donner la priorité aux grands groupes, et puis dans les com-com, ça risque d'être le cas, hein, dans les communautés de communes qui auront la gestion de l'eau. D'ailleurs, ça hurle pas mal en ce moment, parce que certaines communes s'étaient réappropriées l'eau, justement, parce que c'est l'affaire passée par une entreprise privée. Au lieu d'une gestion communale, ben, trois quarts du temps, l'eau est beaucoup plus chère. Beaucoup plus chère, oui. Et puis de moins bonne qualité. Et la qualité est sans ressort. Parce que pour éviter tout problème. On a parlé tout à l'heure de. Comme ils surveillent l'eau de loin, ben, pour éviter tout problème, ben, on javelise. Moi, je vais me mouiller en parlant d'eau, je vais me mouiller. Mais ce qui se passe à Contrex et Vittel, c'est incroyable. Parce que Contrex, Nestlé, je l'ai dit. Ils trouvent dans la nappe phréatique. La nappe phréatique est quasiment trop... Enfin, elle est hyper basse. Et il faudrait qu'ils arrêtent de pomper de l'eau pour qu'elle puisse se refaire. Et ils pompent, En trop. Un million... Combien ? Un million de mètres cubes en trop. Ouais, un million de mètres cubes en alors trop. Alors, ils vont faire un... Et le pire, attends, Michel. Le pire, c'est que les habitants de Contrex vont devoir demander de l'eau à la commune d'à côté. Oui, voilà. Mmh. Et donc, c'est les... Et là, on aura des pénuries d'eau. Il y a une... Parce qu'aujourd'hui, bah, l'eau, elle sert à plusieurs... Alors, non pas de l'eau minérale, de l'eau de source, ouais. Qui part vers l'Allemagne. Oui. Et à côté de ça, ouais. les agriculteurs consomment énormément d'eau, puisque, oui. De toute façon, avec les cultures modernes et les cultures intensives, il faut beaucoup d'eau. Et là, non, et puis là, la nappe des grès du Trias inférieur, c'est une nappe qui a été constituée il y a plusieurs millions d'années et qu'on ne peut qu'épuiser. Elle ne se reconstitue pas. Non. Donc, cette nappe-là, on peut la considérer comme un trésor national, c'est-à-dire à l'utiliser qu'avec parcimonie. Tout à l'heure, on a parlé du chlore. Mais le chlore qu'on met dans l'eau, l'eau de Javel pour aseptiser l'eau, pour tuer les microbes. Mmh. Ça tue très bien les gens parce que le chlore est, avec l'amiante, un des deux produits que l'on a identifié comme étant cancérigène. Un des tout premiers produits. Le gros problème, c'est que les études 1918, ne disent pas quelle dose. Ouais. Et puis les c'est effets mieux. Croisés, parce que, paraît-il, il y aurait des effets croisés aussi avec la lumière solaire du chlore. Ah ben ça s'ajoute peut-être, parle, oui. Ce qu'il y a de sûr, c'est que par exemple, on a interdit à la faveur de la guerre, bien sûr, avec la misère qui se répandait, il y a eu énormément de parasites qui sont venus, y compris sur les humains, les poules, les puces, etc. Mm. Et donc on a distribué tellement de DDT qu'on retrouvait le DDT, dichlorodiphényl, trichloroéthane, c'était la composition chimique, c'est-à-dire des trucs de chlore. Il y en avait tellement répandu qu'on le retrouvait même dans le lait maternel. Alors on a fini par l'interdire complètement, le DDT. Ouais, mais le chlore n'est pas innocent. Il faut savoir que tous les produits chimiques qu'on balance à la surface du sol, ces produits chimiques, ils pénètrent dans les plantes, dans les fruits, dans les fleurs, etc. Mais ils descendent dans le sol et ils finissent tôt ou tard par atteindre la nappe phréatique que l'on boit. Le gros problème qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, on a quand même beaucoup de mal de remplacer l'eau de Javel, le chlore, en principe. Mais une ménagère avertie devrait toujours, par exemple, ménagère, parce que quand même, les hommes devraient faire un peu plus de ménage, c'est-à-dire mettre des gants quand on manie la simple eau de Javel. Oui. Mais c'est quand même une molécule c'est une molécule chimique assez simple, puisqu'il suffit de mettre une anode, une cathode, dans de l'eau pour justement dégager du chlore. Comment expliquer que les chats aient l'eau de Javel? Parce que finalement, un chat, c'est ce qui est sain. Mais l'eau de Javel, c'est... Ils sont forts en chimie, les chats. Oui, ils sont forts en chimie, peut-être. Mais les chats, c'est parce que souvent, ils aiment bien l'odeur de l'eau de Javel. Oui, c'est une odeur qui... L'odeur de l'eau de Javel. Mais tu sais que si jamais tu commençais à laver un chat avec l'eau de Javel, il perd ses poils. C'est sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai ce qui est grave, et ce qu'on sait, c'est qu'une civilisation, notre civilisation, justement, on en parlait avec le film Nos enfants nous en voudront ou nous accuseront, mais il y a une civilisation qui peut se détruire. Notre civilisation, elle peut se détruire parce qu'il y a déjà eu l'exemple avec le saturnisme chez les Romains. Ils buvaient dans des carafes en plomb, dans des timbales en plomb. Et le fait de mettre de l'eau ou du vin, elle prenait le plomb et ça donnait des cancers. C'est pas des cancers, ça attaquait directement le système nerveux, Le système nerveux. D'accord. Alors, quand on dit se mettre du plomb dans la tête, c'est pas la bonne formule. C'est une façon un petit peu humoristique de parler, mais en même temps, c'est l'humour un peu noir, indirectement. On espérait ne pas en arriver là. On va peut-être accorder une pause musicale. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup puis, quand même. On est très, très, très. Depuis longtemps. Alors, on a des chanteurs sur le secteur de Remiremont, dans la zone d'écoute de la radio, qui chantent en français. Ça existe, sans blague. Mais je vous assure que ça existe. La preuve, c'est qu'on va les écouter, tiens. Delphine se défile. Je me suis levée ce matin, j'ai jeté ma balance par la fenêtre. Ça m'a fait un de ces biens, essayer, ça libère la tête. C'est vite, mais pas des tailles sur des étiquettes. On est des femmes, pas des numéros. On ne se résume pas à nos kilos. Si je suis pas chez les femmes, alors je suis quoi? Un lama. 44, c'était la taille de Marilyn. Comme la moitié des filles du pays. Les rouges ne sont pas des ovnis, mais des fus super sexy. C'est vêtu esthétiquement incorrect. Mais pas des tailles sur les étiquettes. On est des femmes, pas des numéros. On ne se résume pas à nos kilos. Faire des régimes, je sors de l'abîme des magazines. J'en ai marre de ce traquenard, de ces connards qui ne jugent que par les apparences. Stop à l'intolérance ambiante. Je m'en balance de votre fichu balance. Et je pense que la jouissance a son importance. C'est médiététiquement incorrect. Mais pas des tailles sur des étiquettes. On est des femmes, pas des numéros. On ne se résume pas à nos kilos. Eh bien voilà, on reprend l'antenne. Hein, c'était Delphine se défile. On aime bien. On l'aime bien. Toujours plaisir de la retrouver, Delphine. Ouais, ouais. Alors, on va terminer parce que malheureusement, j'avais beaucoup de choses à dire, mais on s'est beaucoup attardé sur les abeilles. On ne devait pas parler de la rentrée, Michel. Ben, c'est un petit peu la rentrée sociale, hein, mais là, on parlait des apiculteurs, ben, c'est pas une bonne raison. Mais il y a tellement de sujets, tellement de sujets sérieux, importants, qu'on devrait pouvoir aborder sur les antennes des radios, des télés et de notre radio à nous, que c'est vrai, il faudrait multiplier les émissions comme celle-là. Ouais. Parce qu'on ne peut pas, nous, pas. Une heure par semaine, arriver à tout couvrir, voyons. Hein, on en laisse pour les autres, largement. Bah oui. On va parler de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, hein, parce que bien sûr, par exemple, le harcèlement moral, on n'en parle plus quasiment, alors qu'il est en plein développement, hein, partout. Hein. Il suffit d'être dans certaines grandes surfaces que je ne citerai pas à l'antenne pour savoir comment que ça se passe. Hein. J'ai quand même vu des documentaires, je n'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'il y avait des documentaires là-dessus quand même récemment. Oui, mais tous les documentaires, on a changé complètement de mode. Hein, on parle de surcharge de travail, hein, fameux. Mmh. On parle de harcèlement sexuel, qui n'est pas si fréquent que ça, hein, loin s'en faut. Mais on ne parle plus du harcèlement moral. Hein, les violences. Quand on parle des violences faites aux femmes, il n'y a pas que le harcèlement sexuel. Hein, il y a dans le monde du travail, en particulier les femmes, parce qu'elles sont justement caissières, elles sont justement vendeuses, elles sont justement dans des professions sensibles, j'allais dire, au contact du public, mais au contact aussi directement de la hiérarchie. Elles vendent leur force de travail pour vendre des articles, et celles-là sont souvent ou bien dans le secteur tertiaire, victimes de harcèlement moral. Alors, paradoxalement, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui est pas trop connue, l'OIT, hein, ben forcément, on ne la fait pas trop connaître, parce que c'est elle aussi qui distribue certaines normes. Hein, et la plupart des États sont adhérents à l'OIT, mais pas tous. Ah, bien sûr, il y a certains États où on fait travailler encore des enfants, quoi, etc., qui ne respectent pas les principes de l'OIT. Donc, l'OIT ne possède pas dans son cursus juridique d'instruments concernant la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Cette lacune devrait être comblée en 2019 lors de la Conférence internationale du travail qui fêtera le centenaire de l'organisation, le centenaire de l'OIT. Alors, bien sûr, on a fait souvent référence à l'OIT. Hein, quand, par exemple, en France, on a voulu simplement créer ces fameux contrats de travail atypiques, hein, pour des jeunes, après ça, dans les entreprises, dans les petites entreprises, etc. Même certains articles de la loi travail, ils sont très, très limites par rapport au principe de l'OIT. Hein, il faut le savoir quand même. Hein. Hein, parce que quand on fait une préséance de l'entreprise par rapport à la branche, ça fausse forcément les règles de concurrence. Hein, forcément, puisque de toute façon, ça va être le patron, et puis c'est au détriment, c'est l'asservissement des salariés au niveau d'une entreprise, puisque de toute façon, là, ce qui est privilégié aujourd'hui dans les lois travail, c'est les relations dans l'entreprise. On pourrait se dire c'est bien. Mais non, malheureusement les normes conventionnelles sont battues en brèche la plupart du temps, puisque contrairement à ce qui passait avant, le code du travail prédominait. Ensuite, c'était la convention collective, les accords collectifs, hein, les accords contractuels, comme le nom. Et puis, en dernier lieu seulement, les accords au niveau de l'entreprise. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, un accord d'entreprise peut être dérogatoire par rapport au droit ? On va très très loin dans la déréglementation du travail et dans le fait qu'un patron, il devient le maître d'œuvre complet dans maintenant, son entreprise. Maintenant, c'est la... On peut même plus lui opposer la loi. C'est la porte ouverte au moins-disant social. Ben voilà, exactement. C'est-à-dire que pour être compétitif sur le plan international, eh bien, on sous-paye ses employés ou on leur donne des conditions de travail pas normales, de manière à être plus compétitif. Non, les droits des salariés ont diminué. Ça va vraiment pas. La précarité a augmenté forcément avec cette loi de travail. Moins-disant social, ça ne devrait pas exister. Alors, on revient quand même au harcèlement, hein, parce que moi, je pense que c'est un réel problème aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas croire que parce que il y a eu une loi qui a été votée sous le gouvernement de gauche en 2001, je crois, hein, et puis qui a été édulcorée par le gouvernement suivant, puis le Conseil d'État. Pour autant, le harcèlement moral n'est pas disparu. Hein, au contraire, il est devenu, la plupart des observateurs le disent, hein, y compris des avocats, hein, qui font forcément son contact du monde du travail au niveau des instances prud'homales, par exemple. Hein, ça a pris de l'ampleur. C'est devenu le harcèlement moral est devenu une façon de gérer le personnel. Il y a même des séminaires de DRH, de directeurs aujourd'hui, pour comment qu'on peut harceler les personnes, ouais, hein, pour les faire produire plus, hein, pour les, ou bien les éliminer. Hein, pour les faire craquer et qu'ils s'en aillent. S'ils ne sont pas assez productifs, sans se faire prendre. Ouais. Hein, sans risquer de se faire prendre. Hein, c'est très, très, très pervers. Hein, c'est, voilà. Ouais, ouais. Et c'est qu'est-ce inhumain. Qu'il faut faire alors, inhumain. Ah ben, ce qu'il faut faire, ben, c'est déjà... Ben, là, apparemment, ça devrait avancer à l'échelon international en 2019. Ouais. Ben, il devrait y avoir quand même des normes qui sont fixées par l'Organisation internationale du travail. Parce que pour le moment, Mais aujourd'hui, c'est au niveau de l'entreprise. C'est au niveau de l'entreprise que ça devrait. Mais la plupart du temps, dans les entreprises qui pratiquent le harcèlement moral, bien entendu, les organisations syndicales, elles ne résistent pas. Hein. Elles ne peuvent jamais s'implanter. Puis même si elles s'implantent, elles ne résistent pas. Hein, parce que dans certaines grandes surfaces, le syndicalisme, il est absolument hors la loi. Hein. Parce qu'il y a quand même les syndicats dans les hôpitaux. On est encore au 19e siècle, hein, même avant. Il y a quand même les syndicats dans les hôpitaux. Eux, ils arrivent quand même à se rencontrer. Je ne parle pas des hôpitaux, je parle des grandes surfaces. Oui, les grandes surfaces. C'est pas pareil, ouais, c'est pas du tout pareil. Dans les hôpitaux, bien sûr, mais là encore, aussi, il y a beaucoup à dire. Ça mériterait une émission complète. Oh oui, on peut sur le monde du travail, ça ferait le coup de faire une émission complète. Donc la conférence est souvent l'occasion, la conférence internationale de l'OIT, souvent l'occasion d'adoption de nouvelles normes du travail, convention accompagnée d'une recommandation ou recommandation seulement. Le processus est le même pour les suppressions, outre le vote du budget, une année sur deux, comme en 2018, les délégations peuvent généralement voter des résolutions. Voilà, les conventions, les recommandations, les accompagnants font en général l'objet d'une double discussion permettant aux partenaires sociaux des États membres de se pencher sur une réflexion du contenu initial. Voilà. Michel, il y a aussi la naissance des entreprises soi-disant green, green, verte. Ça veut dire verte. C'est des entreprises bio qui privilégient zen. Il y a des cours de yoga dans la journée. faut pas fumer. Interdiction de fumer. Ouais. L'interdiction de fumer, elle est dans toutes les entreprises maintenant. Oui, c'est la loi. Non, mais attends, tu as besoin d'un remontant. Ils te servent un machin au kiwi avec du jus de kiwi, que des trucs comme ça. Et moi, je trouve que c'est pas une façon réaliste de voir les choses non plus. C'est trop, trop décalé de la réalité. Le gros problème, c'est le but recherché, c'est surtout d'accélérer la production. Ou alors j'ai tort. Peut-être tort, ça peut être bien, ces entreprises, peut-être. Oui, il y a du yin et du yang partout. C'est-à-dire qu'il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes pour accélérer la production. Accélérer la production, pour faire produire davantage les gens. Qu'ils soient bien dans leur peau. Ça peut être une méthode en disant ben, si s'épanouissent au travail, ils seront plus productifs, etc. Ils penseront moins à récriminer aussi. ou bien simplement les gardes-chiourmes, quoi. Comme ça se passe à bien des endroits, où un directeur a tout pouvoir, y compris quelquefois le droit de cuissage sur le personnel. Mais ça, c'est le genre de truc qu'il faudrait pouvoir analyser cas par cas. En prenant vraiment le temps, là on survole, là, forcément. On peut pas aller suffisamment au fond des choses. Hein. D'ailleurs, on arrive au bout de cette émission. Oui, hein. Dans les greens entreprises, on sait peut-être pas tout. Mais je pense que c'est quand même une belle force de voir l'entreprise sous cet aspect-là, quand même. Enfin, je sais pas, après, comment ça va évoluer. Et si, en plus, ils font l'effort de dire entreprise verte, par exemple, au lieu de dire green entreprise, ça serait encore mieux. Encore mieux, ce serait un degré supplémentaire vers la perfection. Mais le gros problème, c'est toujours pareil, il y a des effets de lobbying. Hein, c'est-à-dire que des États, la plupart des États, vont ratifier les conventions, les recommandations de l'OIT. Et puis quand ils reviennent chez eux, les gouvernements, surtout les gouvernements de droite, essayent de minimiser au maximum ces conventions. Il y en a eu plusieurs qui ont été devant l'OIT, y compris sous le gouvernement de Chirac. Et l'OIT a dit, non, ça ne correspond pas du tout aux normes internationales minimales. C'est des normes internationales minimales. Et d'ailleurs, même au niveau européen, la France qui était en avance au point de vue droit du travail. Par contre, au niveau de l'Europe, il y avait beaucoup d'États comme l'Allemagne qui étaient sur les problèmes de sécurité, de prévention et de sécurité, qui étaient en avance sur la France. L'Europe a jusqu'à une certaine période, aidé à faire progresser le droit des travailleurs. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein. C'est fini, ça. C'est fini. Hein. Les histoires, on voulait même remettre en cause les 48 heures maximales par semaine, etc. etc. Hein, aujourd'hui. Mais bon, il y a eu toute une période. Et la France, de par sa législation qui était en avance sur beaucoup de pays, pour les droits des travailleurs, l'Allemagne, par exemple, qui est en avance sur beaucoup de pays pour la sécurité des travailleurs au travail, parce que la France, on était vraiment loin en Europe par rapport à la sécurité au travail. Ça a permis quand même des progrès. Mais aujourd'hui, ces progrès-là, ils sont battus en brèche, ils reculent. Hein. C'est clair, c'est net. Hein. Tout est bloqué, la situation est gelée. Hein. C'était quoi la loi ? Tu dis qu'il y avait délivré pas mal de choses ? Des directives européennes. Hein. Ça s'appelle des directives. Ouais. C'est-à-dire qu'une directive européenne doit passer, à partir du moment que l'Europe apporte une directive, cette directive-là doit passer en droit national. C'est-à-dire que la plupart du temps, les nations que constitue l'Europe, les États que constituent l'Europe, doivent faire passer dans leur droit interne les directives européennes. Ils ont des délais, et puis après, ils ont des pénalités. On le voit, par exemple, la France, mais enfin, sur un autre registre, sur la qualité de l'eau, la France est souvent citée en contre-exemple et avec des pénalités parce que l'eau en France ne correspond pas aux normes, en particulier en Bretagne, en Aquitaine, etc. Normes européennes minimales sur le... Les organisations comme l'OIT, l'OMS, l'ONU, l'Europe aurait dû faire progresser la situation du monde dans tous les domaines, y compris la santé. Et c'est loin d'être le cas. C'est ça qui est malheureux. C'est pour ça qu'on dit certains sont contre l'Europe. Mais ils sont contre eux. Il y a des lobbies qui tirent en arrière. On termine cette émission. Les lobbies. On a déjà dépassé notre temps. Voilà. Les lobbies. Hein. Oui, on va souhaiter une bonne fin de soirée à toutes et à tous, bien sûr. Et puis rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous, si tout va bien.